Avec ce dernier verset, nous allons aborder le huitième ensemble, celui qui concerne les infidèles. Voyons, dans le Coran, qui sont ces infidèles et quel sort leur est réservé. Celui qui sera l'ennemi du Seigneur, de ses anges, de ses envoyés, de Gabriel et de Michel, aura Allah pour ennemi, car Allah est les infidèles. Infidèle est celui qui dit « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Le Messie n'a-t-il pas dit lui-même « Ô enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et le vôtre ». Quiconque associe à Allah d'autres dieux, Allah lui interdira l'entrée du jardin du paradis, et sa demeure sera le feu. Les pervers n'auront plus de secours à attendre. Infidèle est celui qui dit « Allah est un troisième de la Trinité. Il n'y a point de Dieu, si ce n'est le Dieu unique. S'ils ne désavouent ce qu'ils avancent, un châtiment douloureux atteindra les infidèles. » Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un apôtre. D'autres apôtres l'ont précédé. Sa mère était juste. Il se nourrissait de mets, c'est-à-dire Jésus et Marie n'étaient que des humains qui ne pouvaient se passer de nourriture. Vous voyez, comme nous leur expliquons l'unité de Dieu, et vous voyez également comme ils s'en détournent. Ceux qui ne croient point au Coran qui leur a été donné sont coupables. C'est un livre précieux. Et voici les châtiments promis à ces coupables. D'abord, dans la sourate 48 intitulée « La victoire ». Nous avons préparé un brasier ardent pour les infidèles qui n'auront point cru en Allah et à son apôtre. Les infidèles, leurs richesses et leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité auprès d'Allah. Ils seront livrés au feu et y demeureront éternellement. Les aumônes qu'ils font dans ce monde sont comme un vent glacial qui souffle sur les campagnes des injustes et les détruit. Ce n'est point Dieu qui les traitera injustement. Ils ont été injustes envers eux-mêmes. Voici quelle sera la récompense de ceux qui combattent Allah et son apôtre et qui emploient toutes leurs forces à commettre des désordres sur la terre. Vous les mettrez à mort ou vous leur ferez subir le supplice de la croix. Vous leur couperez les mains et les pieds alternés. Ils seront chassés de leur pays. L'ignominie les couvrira dans ce monde et un châtiment cruel dans l'autre. Sauf ceux qui se seront repentis avant que vous les ayez vaincus. Car sachez que Dieu est indulgent et miséricordieux.